Alors ce soir, ça va être très particulier. Nous allons faire une parenthèse française et lyrique. Alors vous vous demandez bien ce que ça va être. Eh bien, patience. une chanson qui nous ramène à la fin du siècle dernier, 1998, 24 ans se sont écoulés, ça fait loin, et on vit aujourd'hui dans un autre monde. Alors je vais pas dire que ça n'a pas pris une ride, c'est certainement pas le cas, mais enfin cette chanson signée par le défunt groupe anglais XTC, I Can't Own Her, extrait d'un album intitulé Apple Venus Volume 1, était déjà, si j'ose dire, vieille entre guillemets à sa parution. En tout cas, elle ne prétendait pas être jeune ou dans l'air du temps, d'ailleurs elle ne l'était pas du tout, elle était déjà intemporelle et aujourd'hui, elle est classique. La mélodie, la suite d'accords, l'orchestration, les réminiscences d'une certaine musique classique, notamment française du XXe siècle, sont évidentes. Mais dire que le rock n'a rien à voir avec ça serait... serait erroné. Déjà, ça ne rappelle en rien le blues, la soul, le rock. Mais voilà, dire que le rock n'a rien à voir avec ça serait tout aussi erroné. Déjà, le groupe anglais XTC était un groupe de rock. On l'a assimilé à son apparition en 1977 à la première new wave, comme les Talking Heads, auquel on a d'ailleurs beaucoup comparé XTC à ses débuts. XTC a eu un tube en France. Certains se le rappellent peut-être, Making Plans for Nigel, une sorte de funk reggae à la Police, c'était en 79, mais très vite, XTC s'était lancé vers d'autres horizons. Ce groupe s'est mis, pour ainsi dire, à réinventer un certain passé, mais dans un nouvel esprit, moins naïf et plus caustique. De quel passé je veux parler, un passé qui était pas si ancien, qui était même très récent à l'époque, fin des années 70, un courant musical encore tout jeune, de ce qu'on a appelé la musique progressive, née à la fin des années 60 et déjà, en fait, brusquement démodé en 1977. Le mouvement punk avait en effet tout détruit sur son passage et des groupes extrêmement populaires comme King Crimson, Yes ou le premier Genesis ont alors dû, pour survivre, pour continuer, se réinventer complètement. Et ça a d'ailleurs été aussi le cas pour Pink Floyd au fond. Alors dans la musique progressive, tout s'entremêlait. Mélodie folklorique, musique baroque, variété au parfum psychédélique, jazz, orchestration symphonique, musique concrète, musique atonale parfois. Et XTC a au fond réinventé à sa façon très individuelle ce courant, évidemment sans le dire, parce que c'était absolument tabou pour le public de ce qu'on a appelé l'après-punk. À tout ça, XTC a ajouté des rythmes funk, reggae, de la bossa nova aussi, et de splendides mélodies lyriques, comme celles qu'on vient d'entendre. Certains se sont mis à appeler ça pop, entre guillemets, mais enfin, rien à voir avec Michael Jackson ou Madonna. Pop, c'était, faute de mieux, au fond, pour désigner un courant qui, en fait, s'opposait au rock'n'roll dans son acception la plus étroite. Les amateurs de pop, entre guillemets, de cette période, aimaient les mélodies qui vous entraînaient vers certaines rêveries. Il y avait dans tout ça une certaine nostalgie musicale évidente aussi. Alors ce soir, comme je vous le disais, en tout début d'émission, j'accueille, ce qui est tout à fait exceptionnel, deux représentants de ce courant. Je veux dire qu'on va les entendre parler, on va les entendre dans un petit concert de chambre, je vais raconter tout ça. De ce courant qui reste aujourd'hui vivant, même s'il ne touche pas le grand public. Encore qu'il faille nuancer cette affirmation, on va s'en rendre compte très vite. Alors, le premier de mes deux invités est un maître du genre, Louis-Philippe. Louis-Philippe, c'est un Normand d'origine, du pays de Caux, ceux qui connaissent. Il est depuis plus de 30 ans londonien et citoyen britannique. Il compte à son actif une bonne quinzaine d'albums. Et le second est un brillant représentant de la nouvelle génération. Il est breton, pas grand breton, et il s'appelle Olivier Rocabois. À la fin de l'année dernière, donc fin 2021, une association d'amateurs français de pop, entre guillemets, tel que je la définissais, qui porte le nom rigolo de Life is a Minestrone, c'est une chanson à l'origine du groupe 10cc, a accueilli ces deux musiciens pour un petit récital privé dans les bureaux d'une entreprise de bâtiment située dans le sud de Paris. C'était un petit concert en chambre. Alors, il y a un lien entre XTC qu'on vient d'entendre et Louis-Philippe, puisque celui-ci est en fait le premier à avoir créé la chanson qu'on vient d'entendre, I Can't Own Her. Une chanson signée Andy Partridge, un des deux chanteurs et compositeurs de XTC, que lui avait fait écouter en avant-première sous forme de maquette le guitariste de ce groupe. Et étrangement, XTC avait écarté cette chanson de la liste de celles censées figurer dans l'album à venir du groupe. Louis-Philippe avait fait des bons quand il avait fait découvrir la maquette, il avait demandé à Partridge l'autorisation d'écrire un arrangement pour l'orchestre philharmonique de Prague, avec lequel il allait enregistrer un album qui s'appelait Azur. Partridge la lui accorda, et il fut tellement impressionné du résultat de la chanson enregistrée par Louis-Philippe, qu'il décida en retour de l'enregistrer dans une orchestration extrêmement proche de celle du français. Alors, il existe un point commun entre Louis-Philippe et Olivier Rocabois. C'est un musicien extrêmement populaire chez nous, très connu du grand public, et qui les tient tous les deux en très haute estime. J'ai nommé Philippe Catherine. Et oui, j'aurais demandé à tous les deux de me raconter comment ce lien s'est tissé, d'abord à Olivier Rocabois. Disons que pour moi, c'était dès le début, une figure, en fait. On doit avoir 6 ans d'écart, je crois, ce qui est rien. Et ses tout premiers albums, vous rappelez-vous, au début des années 90, on se les passait sous le manteau, les cassettes, etc. Ce sont d'excellents souvenirs. J'ai eu la chance de le rencontrer à la fin de la même décennie, quand je suis arrivé à Paris. Ouais. Et puis, je lui ai envoyé des démos. Mais oui. Et il a trouvé ça bien, au point de me répondre. Rappelez-vous, à l'époque, on s'envoyait encore des lettres, en fait. Oui, et donc, il m'a envoyé une lettre pour me donner comme une sorte de review, quoi, chaque titre. En me disant, ça j'aime bien, ça j'aime moins. Ouais. Et ça m'a. Depuis, j'ai un recueil de poèmes de Keats, c'est le marque-page. Voilà, et donc voilà, je suis moins client de ce qu'il fait maintenant, mais j'adore le personnage et j'aimerais bien le revoir, en fait. Pour Philippe, l'autre Philippe Catherine, il y a une rencontre autour d'une chose en particulier, qui est Francis Poulenc. Ah oui. Absolument. Moi, j'ai toujours été un grand amateur de la musique de Francis Poulenc et j'ai toujours rêvé de pouvoir chanter les chansons de Francis Poulenc, mais les chanter non pas comme un chanteur d'opéra, de les chanter comme quelqu'un qui vient de la chanson ou de la pop, et de retrouver en quelque sorte le goût et l'odeur de la rue dans certaines de ses mélodies. Et j'avais enregistré pour cela une version d'une chanson absolument magnifique et qui s'appelle Montparnasse. Oui. Un poème de Guillaume Apollinaire qui est absolument somptueux. J'étais accompagné par une amie pianiste classique et Philippe a été, je crois franchement, bouleversé par ça. Parce qu'en fait, c'est une rencontre, en fait, je pense, entre énormément d'ambition musicale, mais en même temps, le désir, une autre ambition qui est celle de ramener les choses au niveau du type d'échange émotionnel qu'on peut avoir avec une chanson pop et de prendre la musique classique et de faire ça. Et lui, ça je sais pas pourquoi... Ça l'a fait tilter, mais dans le bon sens du terme. Oui. Et c'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs que lui-même avait cette approche justement dans l'écriture des chansons. Aux portes de l'hôtel, avec de plantes vertes, vertes qui jamais. Où sont mes fruits? Où me plantais-je? Aux portes de l'hôtel, un ange est devant toi, distribuant des prospectus. On n'a jamais si bien défendu la vertu. Donnez-moi pour toujours une chambre à la semaine, ange barbu, vous êtes en réalité un poète lyrique d'Allemagne. Il fait un peu. ballons qui s'en vont dans l'air pur. Une très belle idée qu'avait eue Louis-Philippe en 1994, celle d'enregistrer cette mélodie que Francis Poulenc avait composée dans les années 1940 sur un poème de Guillaume Apollinaire, Montparnasse. Une interprétation qui avait ébloui Philippe Catherine, Philippe Auclair, Louis-Philippe y a fait allusion. Alors on peut entendre dans un des plus beaux albums signés Louis-Philippe, Sunshine, publié en 1994, cette version. D'ailleurs Louis-Philippe ne s'est pas arrêté en chemin puisque lui et son fidèle collaborateur, le pianiste Danny Manners, ont consacré en 1999 un album entier Nouche à des mélodies de Poulenc, voilà, sur des poèmes de divers auteurs français du XXe siècle. Ce que Catherine appréciait, et il avait raison, c'est cette façon douce et humble qu'avait Louis-Philippe de chanter cette mélodie, loin de l'emphase trop souvent propre à un certain art lyrique. Alors il y a un point qui m'est impossible d'éviter ce soir, d'ailleurs j'ai vendu la mèche, c'est que je connais Louis-Philippe sous son nom d'état civil de Philippe Auclair depuis l'année 1980, ça nous rajeunit pas, on était en préparation dans le même lycée et on s'est découvert les mêmes goûts musicaux alors qu'il était pas très majoritaire. Très anglophile, très pop entre guillemets, et nous sommes restés de très grands amis. Fallait quand même que je le précise. Cette anglophilie, vision idéalisée d'une Angleterre qui n'existe plus vraiment, d'ailleurs a-t-elle vraiment jamais existé, Olivier Rocabois, d'une autre génération que la nôtre, la partage, et c'est d'ailleurs à ce sujet que je l'ai interrogé en premier. Dans notre conversation s'est mêlé l'accompagnateur de Philippe, l'Autrichien Robert Rotifer, membre du groupe The Night Mail, avec lequel Philippe a enregistré un album très remarqué, Thunderclouds, qui est paru l'année dernière. Alors, j'espère que cette conversation n'exclura pas les non-initiés, d'ailleurs initiés, je sais pas franchement à quoi on est initié, je dirais plutôt qu'on partage les mêmes obsessions parfois. Quand Philippe et Olivier parlent de prog, entre guillemets, il s'agit bien sûr de la musique dite progressive, et quand il est fait allusion, notamment c'est Robert Rotifer qui l'a fait, à la ville anglaise de Canterbury, dans le sud de l'Angleterre, il s'agit d'un courant propre à cette musique progressive dont je vous parlais, un courant poétique et farfelu, initié par des étudiants de cette ville dans les années 60, des beatniks libertaires férus de jazz, souvent de free jazz, de musique contemporaine et de poésie de l'absurde comme The Soft Machine. On écoute Olivier Rocabois d'abord. Donc je suis français, né en France. C'est l'anglophilie qui m'a poussé vers une relative anglophonie dans mes chansons, vous me suivez? Oui. Mais j'écris, il m'arrive d'écrire en français pour d'autres projets. Et comment dire, je l'ai dit en thérapie l'autre jour, c'était très libérateur. Comme si d'un côté, il y a une moitié de moi qui est français, qui chante en anglais. Oui. Et l'autre moitié, qui est donc à nouveau français, bien sûr, européen ou ce que vous voulez, mais qui, à terme, j'aimerais écrire en fait de la poésie ou des bouquins en français. Parce que j'aime tellement cette langue, vous voyez ce que je veux dire? Mais mes émotions musicales. Pour moi, c'est des comme des amis mentaux. Je sais pas si l'image est très parlante, voilà. Et qu'il y a des, j'instaure comme ça un dialogue et mes émotions musicales, au-delà des 12 notes, se traduisent vraiment en anglais en fait. De façon, c'est pas un calcul quoi. Il y a un parallèle tout à fait intéressant, c'est que Philippe, donc Louis-Philippe, a plusieurs manières dans son approche musicale. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Philippe chante en français, c'est dans un style très différent, enfin différent, particulier, qui est, enfin, à mes oreilles, qui est plus rétro, qui correspond à des choses qui ne sont pas celles qui nous ont rapprochés, qui étaient tout à fait éloignées de cette anglophilie. C'est-à-dire que quand tu chantes Martine ou Deauville, par exemple, c'est pas les Kinks, c'est pas Soft Machine. C'est comme s'il y avait deux veines qui ne s'étaient jamais rejointes. Comment expliques-tu le fait que tu n'aies jamais fait, je ne sais pas, une chanson psychédélique, excentrique en français? Alors, il y a des raisons, et là, c'est l'artisan qui parle. Vas-y. C'est le génie de la langue. À savoir que la scansion est totalement différente en français et en anglais. Les libertés qu'on peut prendre avec le maître, je sais, je parle de choses... Non, mais je parle de cuisine. De choses tout à fait intéressantes. Et d'autre part, c'est aussi le fait que quand on écrit des chansons, non pas au maître cette fois-ci, mais sous le coup de l'inspiration ou sous le coup d'une certaine nécessité personnelle, je ne sais pas si c'est la même chose pour Olivier, mais j'imagine que ça doit pas être très loin. instinctivement, automatiquement, on va se dire, tiens, ça, c'est en français. Plutôt, les mots qui viennent à l'esprit sont en français. Et du coup, quand j'écris en français, le maître n'est pas le même. J'écris beaucoup de chansons en trois temps, par exemple, en français. Mais c'est totalement, c'est pas du tout par calcul. Oui. Et c'est marrant que, d'ailleurs, qu'on en parle maintenant, parce que Robert et moi, quand on a répété ensemble à Canterbury la semaine dernière, toutes les chansons qu'on a écoutées quand on avait terminé de répéter, c'était Michel Delpech. Ah oui. Oui, absolument. Je lui ai fait découvrir, mais en même temps, il écoute ça, et son épouse Judith également est fanatique. Mais et donc, du coup, et si on veut, tout ce qu'il peut y avoir génétiquement, entre guillemets, musicalement, de français en moi, ce qui est énorme, parce que mes influences musicales, je les dois à mon grand frère, donc pop, et à ma mère, Michel Legrand, jazz, Duke Ellington, mais aussi Nicole Croisille, mais aussi musique brésilienne. Musique brésilienne, bien évidemment, qui se prête très bien à la langue française, au passage. Et si je chantais une chanson Martine, je pourrais sans doute le faire en anglais, mais je pourrais pas faire certaines chansons que je fais en anglais en français. Mais c'est vrai qu'on est schizophrène. D'abord, moi, il y a Philippe et Louis-Philippe. Oui, je réponds quand on m'appelle Louis, je réponds. Quand on m'appelle Philippe, je réponds également. Et puis il y a le Philippe français, oui, francophone. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que Philippe Auclair a une autre existence. faut-il vraiment le faire? Il faut le rappeler. Oui, non, mais c'est parce que tu as été pendant de nombreuses années le plus grand expert du football anglais en France sur une radio. Sur une radio que je ne nommerai pas. Et puis bon, je peux pas aussi ne pas dire que tu as été mon capitaine pour le dictionnaire du rock que nous avons fait ensemble il y a 20 ans. Et que sans Philippe et sans sa vision de la musique, sa connaissance extraordinaire, ce livre ne serait pas ce qu'il est. Enfin, ça, c'est... Peut-être je peux expliquer avec mon français mauvais, oui, que pour vous, Philippe est très anglophile, mais en Angleterre, quand on écoute sa musique, pour nous, c'est très français. Oui. Surtout les chansons anglaises aussi, oui. Oui, enfin, néanmoins, je me rappelle que Jonathan Coe, qui est l'écrivain bien connu, est un grand ami de Philippe, a placé en épigraphe de son roman What a Carve Up, c'est-à-dire Testament à l'anglaise, un extrait de Yuri Gagarin, qui est une de tes chansons, qui était en anglais. Donc, je ne sais pas comment Jonathan Coe t'a perçu. Il t'a pas perçu comme un Français s'exprimant en anglais. Non, mais on fait partie de la même famille harmonique. Je crois que c'est aussi ça qui est très important. C'est-à-dire qu'il est pianiste. Et quand j'entends, oui, mais aussi quand j'ai écouté les chansons d'Olivier, on fait partie de la même famille harmonique. C'est-à-dire qu'on a un langage harmonique peut-être plus étendu, plus large, que celui qu'on associe traditionnellement à la pop anglo-saxonne, surtout en 2021. Et qui est basé du côté français dans la chanson, mais également dans la musique classique. C'est-à-dire pour moi, c'est Francis Poulin qui est Maurice Ravel. Mais qui est aussi, en Angleterre, ça sera le prog. Par exemple. Et donc il y a des points entre ces deux cultures qui paraissent si éloignées l'une de l'autre, il y a des points de rencontre et de connexion. C'est pas très loin. Je sais pas. Et pour toi Olivier, alors justement, quelles sont les autres influences que le rock et le prog, la musique classique, le jazz ou... Elles sont multiples et en fait mon album qui est sorti il y a quelques mois, on m'a demandé de le qualifier, vous savez, on a toujours besoin de donner des sous-genres blablabla et ça m'est venu comme une sorte d'évidence comme ça, prog pop. J'aimais bien l'ambivalence du truc. Donc référence à Canterbury, etc. Oui. Et puis pop pour un caractère accessible, complètement imaginaire, supposé. Mais alors sinon, oui. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Je veux pas faire la musique pour 12 à Fifi ou quoi. Et en même temps, je suis bien conscient qu'on... comme moi, c'est pas une musique qui est pour le grand public de 2021. Mais moi, côté classique, en fait, mon épouse, qui est italienne et non pas anglaise, elle m'a fait entrer dans le monde de la musique classique via la musique de ballet. Oui. Donc En fait, voilà, c'est pas quelque chose que j'écoute comme ça chez moi, Rimsky-Korsakov au casque, comme ça. Non, mais en fait, je travaille de temps en temps à l'Opéra de Paris et donc. Puis travaille en tant que. Figurant. Ah, acteur de complément. Pas comme chanteur. Non. Ce sont des ballets. Donc là, je vais chanter. Oui. Là, je vais être aubergiste dans Don Quichotte. D'où le côté prog. Voilà. Mais voilà. La passerelle, elle est là pour moi, vraiment. Oui. La musique brésilienne, on en a parlé tout à l'heure. C'est un peu une obsession. Et d'ailleurs, quand Catherine. Une obsession très française, d'ailleurs. Très française. Oui. Quand notre amie, entre guillemets, Catherine, il y a donc une trentaine d'années maintenant, faisait ses premières chansons un peu bossa. Oui. Moi, ça me parlait beaucoup parce que je connaissais pas encore. Je connaissais que les tubes de George Ben ou les I'm Sensitive qui étaient repris à toutes les sauces. Mais après, je suis entré de plein pied dedans Et Joby met une fixette aussi chez moi. Enfin, oui. C'est, voilà. Philippe. Juste une chose, c'est une autre passerelle entre deux cultures, la culture anglaise et la culture française. C'est qu'également, le moment où moi j'ai commencé à faire de la musique, où j'ai vraiment, je me suis découvert un appétit pour faire cela, c'est un moment où dans la scène pop anglaise, il y a justement une prise de conscience de la musique brésilienne. C'est Weekend, c'est Prefab Sprout. XTC, Andy Partridge aussi. Et même Andy Partridge. Et donc il y a une espèce de connexion qui se fait également. Tout d'un coup, on se rend compte qu'il existe cette autre musique. On a peut-être d'ailleurs un petit peu oublié aujourd'hui, mais c'était un courant très important. Mais oui, dans Everything But The Girl, bien évidemment. Tracy, etc., Ben Thorne, le premier 45 tours, c'est la reprise bossa de la chanson de Cole Porter. Night and Day. Splendeur. Ouais. Oui. Splendeur, absolue. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, no matter, darling, where you are, I think of you night and day. Day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Spend my life making love to you, day and night, night and day. Interprétation du classique de Cole Porter, Night and Day, en 1982 par le duo londonien Everything But The Girl. Voilà, une espèce d'une version en bossa nova, famélique et blafarde. Ça correspondait bien à un certain courant underground, romantique et désespéré, très minoritaire, hein, parce qu'à l'époque c'était plutôt Supertramp, Dire Straits, Michael Jackson. Alors ce soir de novembre dernier, alors que la nuit était tombée, eh bien Olivier Rocabois et son accompagnateur Jan Stumke au clavier se sont installés devant un public sagement installé sur des chaises pliantes, hein, comme pour un concert de musique de chambre. Voilà, on va écouter Olivier Rocabois, un breton pan-européen. Hein, il a grandi à Vannes, il a fondé un groupe à Rennes, il vit à Paris depuis 20 ans, il a épousé une italienne, il l'a dit. Il s'accompagne à la guitare et il chante en anglais, on en a parlé, avec une générosité et un grain de folie qui, j'espère, ne vous laisseront pas indifférents. On l'écoute dans Over the Moon, qui sera suivi de The Sound of the Waves. With a sound upon my face, dreaming away, I can no longer stand to see my face. Every day in the mirror I once broke on a bank holiday. Can't believe it lasted so long. Sort of set the standards for me to late love long losers like me. Shying away from the people and the venues I loved so much in my heyday, when I was at the top of my game, spontaneous but overrated. Can't believe it lasted so long. Sort of beat the records for lazy old late bloomers like me. Let me be the one who really cares about us all. I'm over the moon, thinking up tunes with a sad smile upon my face. Let me be the one who really cares about us all. I'm over singing this tune with a sad smile upon my face. Ba ba ba ba. Mishka Asayas. Merci Mishka pour le Schweppes Lemon. Et merci à Franck et David de nous avoir réunis ainsi. Et je suis ravi et flatté d'ouvrir pour Philippe et Robert. Et c'est vraiment un honneur d'être ici pour moi, pour mille motifs. The sound of the world. can have some peace and quiet. A swarm of seabirds sings along, we can find shelter in this very warm womb. Head boom, the sound of the waves helps me take. You look as if you were born yesterday. The sound of the waves, le son des vagues, qui devrait guérir, vous guérir de tous les maux qui vous accablent. Voilà une excellente thérapie qu'a sûrement appliquée Olivier Rocabois, qui a grandi à Vannes, hein, je vous l'ai dit. Il a sûrement eu bien des fois l'occasion de goûter les très beaux paysages qui longent le golfe du Morbihan et d'entendre le bruit des vagues. Je sais pas, j'imagine qu'on entend peut-être plus purement encore quand on se balade sur l'île d'Ar ou l'île aux Moines. Alors, après Olivier Rocabois, c'est Louis-Philippe qui a pris place devant un petit nombre de spectateurs qui avait autorisé en ce soir de novembre, c'est encore les périodes des jauges, dans les bureaux de cette petite entreprise donc du sud de Paris, prêtée à l'organisation Life is a Minestrone, organisatrice de ce concert en chambre. J'en profite pour remercier Franck Zessel et David Kera qui ont accueilli France Inter. Philippe s'est présenté sur scène accompagné de son camarade autrichien Robert Rotifer qu'il soutenait à la guitare, Philippe se partageant entre clavier et guitare. Nous allons écouter une chanson extraite de son dernier album Fun the Clouds, qu'il a enregistré avec le groupe The Night Mail. Elle s'appelle Fall in a Daydream, elle sera suivie d'une de ses plus belles mélodies, When Georgie Died, consacré à une légende du football anglais, George Best. Il faut rappeler que sous son identité de Philippe Auclair, il l'a rappelé, il est un spécialiste mondialement reconnu du football anglais. Il a publié des livres consacrés à Eric Cantona et Thierry Henry. Il est aussi le co-auteur avec Eric Champel d'une remarquable enquête intitulée FIFA Gate, qui a été publiée en 2015 chez Michel Lafond et qui a courageusement mis au jour les méthodes du Qatar pour obtenir l'organisation de la prochaine Coupe du Monde de football qui se déroulera là-bas à la fin de cette année. Bon, enfin, bon, revenons à la musique. Say goodbye, both of us know why. watched a tower aflame. You carried on just the same. Your anger passed, your tears were mostly for show. Say goodbye. Both of us know why. Let you drift and live in a daydream. Leave it all behind. Leave you with your kind. Dear old London town. Merci, vous êtes trop aimable. Thank you, Robert. I have a parallel life in football. Anyway, that's a song about one of my childhood heroes. Clip sur France Inter. The hero in question, le héros en question, était bien évidemment George Best. Évidemment George Best, ça va de soi. Room, voilà, la salle des Rubens, une chanson qui remonte au début de la carrière anglaise de Louis-Philippe à la fin des années 80. Une de ses plus belles, et son grand ami et admirateur Bertrand Burgala en a d'ailleurs interprété une très belle version au piano. Voilà, nous allons devoir quitter Olivier Rocabois et Louis-Philippe. Alors, si ce que vous venez d'entendre vous a séduit et que vous habitez Lyon ou sa région, eh bien ça tombe très bien. Louis-Philippe, accompagné de son groupe The Night Mail, au grand complet, donnera demain soir, donc jeudi 17 mars à 20h, un concert unique à l'Opéra de Lyon et en première partie, une légende, Stuart Markson, le fondateur des Young Marble Giants, un trio qui a tant compté pour nous et qui aujourd'hui fait figure de classique. Voilà, pour finir en beauté, enfin je l'espère, un nouveau titre signé par un groupe bien anglais, Elbow, qui n'est pas étranger à ce courant que viennent d'illustrer mes deux invités. A shadow raced across the earth, taking the day and confusing the birds. And the stars that move, and the moon is the sun. nouveau titre du groupe anglais Elbow pour se quitter After the Eclipse. Voilà, c'est tout pour ce soir et il me reste à remercier Stéphane Foulon et Patrick Muller qui étaient présents pour la prise de son de ce concert en chambre. Je remercie bien sûr l'association Life is a Minestrone, Franck et David, puis aussi Nicolas Baudard qui nous a accueillis dans ses locaux. Merci également à Stéphane Ronxin qui était là et cette fois-là et ce soir qui est pour réaliser l'émission. Merci à Clément Berman à la technique, Zorben Smiley et Romain Couturier.